Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission, ma foi, des plus ludiques comme à son habitude. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux et je suis bien entendu accompagné de ma gang habituelle et de collaborateurs mensuels, monsieur Andrew Castegan. À la console, ça va bien? Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Oui, j'avais le goût de me lancer dans l'humour. Ouais, moi j'ai peur quand tu dis ça. Non, c'est juste parce que je faisais... faut que je fasse une parenthèse sur quelque chose, excuse-moi l'introduction. Non, mais vas-y. Le mème avec Carl de Walking Dead, ouais. C'est-tu assez mourant, ce mème-là? Ouais, ben il y a effectivement des belles variations qui se font tout au long... tout au long des semaines, des belles dérives aux Québécoises qui sortent. Mais il y en a qui... Et beaucoup de jokes de roue très excellents. Ouais, ben je savais que t'allais accrocher là-dessus. C'est à la job cette semaine. Ah ouais? On avait un chat d'équipe et je pense que toutes les jokes de Carl y ont passé dans le fil de nouvelles. Ah, d'accord. Et c'est moi qui ai gagné la meilleure joke. Ben évidemment. Et c'était pas une joke de roue. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, de roue, nous passerons à un autre collaborateur qui est avec nous en studio, M. Julien Materne. Salut tout le monde. Salut, ça va bien, Julien? Tu m'as enroué, mais ça va bien, oui. Ouais, moi aussi, j'ai comme un fond de rhume là, dans fin de semaine, bizarrement. Et là, Julien, comme le veut la tradition, puissance maximale quand tu es là, ça veut dire qu'on va parler comic book. Ben, et on va parler de quoi rapidement, comme ça? Là, je vois Super Dinosaur, Black Widow, Hawkeye. T'as-tu dit Super Dinosaur? Oui, j'ai dit Super Dinosaur. Nice. Par Walking Dead, justement, il y a un petit lien avec Walking Dead, justement, par rapport à ça. Okay. Quoi? Les zombies sont à cause de super dinosaures? Ouais, tout à fait. The Strain, qui est devenu une série télé récemment, et Batwing, qui est un titre de Batman un peu plus obscur. Ah, excellent. Bon, on va parler de ça. En deuxième heure d'émission, on a Marc-Camille aussi, qui est l'acolyte de Julien. Oui, salut. Salut. Tu peux monter ton micro, by the way, pour pas que tu sois obligé de tout le temps te pencher pour parler? Non. Donc, Marc-Camille qui intervient comme ça aussi pendant les chroniques de Julien et aussi ce qu'on dit. Et on va avoir tout de suite, après la première pause musicale, M. Pierre-Luc Pelletier qui va nous parler, ma foi, d'un phénomène très intéressant au niveau de la sécurité informatique. Ça s'appelle le Canvas Fingerprinting. Il va tout vous expliquer ça dans quelques minutes. Mais je vous rappelle, en débutant, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Là-dessus, vous allez écouter nos anciennes émissions, les podcasts, les entrevues qu'on a fait et autres reportages. On vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur la communauté Facebook. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Vous appuyez sur le bouton j'aime et avec ça, vous avez évidemment toutes les informations les plus récentes sur l'émission, la programmation de la semaine, de quoi on va parler le mercredi. Aussi des articles et des trucs qu'on reposte sur le fil Facebook. Et finalement, la possibilité de participer à deux concours qui se prolongent au-delà de l'été. En fait, jusqu'au début septembre. En fait, un concours avec Madame Pink Vivi. Elle, c'est un concours, on ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer. On a parlé avec Véronique la semaine passée. Il y a le prolonge ça. Encore pendant un petit bout, là, on n'a pas encore la fin. Mais bref, Pink Vivi, notre ami Véro, qui fait plein de petits goodies comme ça, des univers geeks et vidéoludiques. Et là, cette semaine, en fait, le concours de la semaine passée, une thématique cute, on va dire ça comme ça, avec des petits chats, des petits pandas et tout. Mais là, la semaine prochaine, en fait, le concours qui commence dès aujourd'hui, c'est un concours avec la thématique détestable moi. En fait, je pense que c'est les Minions. J'ai jamais vu les films. Faudrait les Minions. Voilà, bon, ben, c'est le sujet du concours Pink Vivi de la semaine. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aimer les deux pages Facebook, celle de Pink Vivi et de Puissance Maximale, et après ça, de partager cette image-là. C'est le même principe pour le concours avec les gens de La Revanche, nos amis du Pub Ludique La Revanche à Québec. Donc, jusqu'au début septembre, vous avez la possibilité de gagner deux paires de billets par émission pour vous rendre, pour aller jouer à La Revanche. Donc, c'est le même principe. Vous partagez l'image en aimant la page de La Revanche et la page de Puissance Maximale sur Facebook. Voilà à quoi ça sert d'aimer Puissance Maximale sur Facebook. Avoir des super concours, gagner des prix et en plus être informé au niveau ludique. Voilà, c'est tout. Et comme le veut la tradition, à Puissance Maximale, avant de débuter dans le vif du sujet, on va se rendre en musique, et mesdames et messieurs. Et on va commencer le tout. Vous allez voir, je suis vraiment content de ma sélection musicale cette semaine. Je l'aime toujours parce que c'est moi qui fais la sélection. Mais une cette semaine, je l'aimerais pas. Là. Ça serait bizarre. Hein? Mais cette semaine, je suis particulièrement content parce que on en parle souvent à l'émission. Monsieur Eric Calderon qui a une série qui s'appelle quelque chose meets metal, donc tout le temps des thèmes d'émissions ou d'autres tunes qu'il met à saveur métal. Donc on va avoir une nouveauté. J'ai fait le tour de son site cet avant-midi, j'en ai ramassé le plein. Site, là, Ça va être cool. On est bien hâte de l'entendre. Ouais, non, c'est ça. Genre, on le dit pas. On va non, c'est surprise. Ça. On va garder la surprise. On va avoir une Random Encounter que j'aime bien aussi à la pause de mi-émission. Et je vous le dis tout de suite, il va y avoir une toune en musique 8 bits complètement vers la fin de l'émission. Très, très, très bon. C'est un artiste que j'ai découvert sur Internet qui est excellent. Donc, ouais, une belle variété musicale encore. Et on va commencer tout ça avec la gang de Bodakdan qu'on entend souvent à l'émission. On va aller avec la chanson La Racaille. Et tout de suite après, c'est Pierre-Luc Pelletier qui arrive avec sa chronique Sécurité informatique. Donc, on s'en va écouter La Racaille de la gang de Bodakdan à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. We'll be right back. Menace fois vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, faut que t'écoutes la chronique Sécurité informatique. Et oui, de retour à puissance maximale, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de M. Pierre-Luc Pelletier pour sa chronique Sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Et là, cette semaine, on va parler d'empreintes digitales, on va parler de sécurité, bien évidemment, et de mots de passe perdus. On va commencer par ça. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, ben en fait, il y a eu une nouvelle qui est sortie comme quoi il y avait 1,2 milliard de mots de passe compromis, donc qui se sont retrouvés dans la même base de données. Donc, c'est la plus grande quantité de mots de passe découvert là, donc de la sorte. Donc, la plus grande perte de mots de passe, on parle de plein de sites web, du plus gros au plus petit. Malheureusement, en fait, ça a été sorti un peu dans le secret. En fait, l'information n'est pas exactement toute rendue publique. Okay. Parce que, ben, en fait, les chercheurs veulent laisser le temps aux sites compromis de corriger tout ce qui est à corriger, donc les failles éventuelles. Mais au fur et à mesure que ça s'est rendu public, c'est certain que ça va se retrouver dans les médias. Et puis, je vais faire ce qu'il faut de toute façon pour que vous le sachiez, soit par mon blog ou sur la page Facebook de mon blog sécurité101.com. Donc, faut juste se tenir au courant. Je vous dirais, si vous êtes nerveux, changez les mots de passe de tout ce qui a trait à votre argent, là, tout ce qui est vraiment important. Mais sinon, pour le moment, bon, il n'y a pas vraiment moyen. En fait, il n'y a pas besoin de paniquer et de changer tous vos mots de passe. De toute façon, ce serait un peu trop compliqué. Mais au fur et à mesure que l'info sort, on va vous informer puis il faudra réagir. C'est ça. Donc, se tenir au courant via ta page Facebook ou ton site sécurité101.com ou passer par la page de puissance maximale, bien évidemment, on va relayer l'information. Sinon, Pierre-Luc, justement, là, on a parlé de ce problème, mais on a aussi quelque chose qui... dont, en fait, on entend parler depuis un certain temps, il y a les fameuses empreintes digitales qui servent de plus en plus. Au niveau de la sécurité informatique, mais là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y a eu une brèche ou j'ai pas trop compris ce qui s'est passé? En fait, il y a une technique qui a été utilisée, en fait ça s'appelle Canvas Fingerprinting. Il n'y a pas vraiment de traduction aujourd'hui en fait pour ce terme-là. Si j'essaierais de traduire littéralement, ce serait quelque chose comme une empreinte de canevas. Ça vous aide pas ben, mais en fait, je vais vous expliquer un peu à quoi ça ressemble. En fait, Canvas Fingerprinting, donc c'est une méthode pour, en fait, qu'utilisent ou que peuvent utiliser certains organismes qui essaient de vous tracer, votre comportement sur Internet. Donc, on parle de traçage, donc des internautes d'un site à l'autre, essayer de voir. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont faire une liste en fait des sites web qu'un internaute va consulter, de manière en fait derrière à fournir des publicités sur ces mêmes sites-là, les plus pertinentes possibles pour les plus ciblées possibles. Donc c'est vraiment dans un but de cibler la publicité qu'on va envoyer à ces gens-là. Donc le Canvas Fingerprinting, c'est une méthode parmi tant d'autres. Qui a été étudié. En fait, il y a eu une étude sur le sujet de deux universités, là, en même temps, un partenariat entre l'université Coolevin, qui est belge, et Princeton, qui est bien sûr américaine, donc qui faisait une recherche sur le sujet et se sont rendu compte que c'était utilisé sur Internet en ce moment même. Au départ, en fait, bon, ça fait depuis 2012 que ça existe théoriquement. Ça a été testé par des chercheurs, entre autres. Mais c'est la première fois qu'on voyait ça utilisé vraiment par des organismes de traçage. Donc, c'est un article donc original qui a été fait par ProPublica.org qui était un bon article, bien neutre, bien fait, avec justement qui tenait compte des faits, puis c'était des journalistes informés au niveau de l'informatique, de la sécurité. Le problème, c'est que ça a été repris par les médias Donc, dans une version un peu simpliste, il y avait des justement des titres d'articles donc, qui étaient titrés « La Maison-Blanche traque les visiteurs de son site web », parce qu'en fait, la Maison-Blanche faisait partie des sites web où on a retrouvé ça, cette méthode de traçage. Une nouvelle méthode de traçage impossible à bloquer ou quasi impossible à bloquer. Donc, on a vu toutes sortes de titres comme ça un peu... comment dire, un peu mensonger, pas nécessairement mensonger, alarmiste un peu. Ouais, alarmiste puis dans l'erreur là. Donc en fait c'est ça, je vais essayer d'expliquer ce que c'est le canvas fingerprinting. Donc en gros, avec les nouvelles fonctionnalités de HTML5, il y a une commande qui s'appelle canvas, donc en anglais, qui tout simplement permet, plutôt que de donner une image à afficher, en fait, il va plutôt donner des instructions pour construire l'image, c'est-à-dire, bon, tu vas écrire tel texte, il va être placé là, il va avoir telle couleur, faire un rond, une ligne, donc c'est du dessin rudimentaire, mais donc c'est une méthode tout simplement d'afficher ou de créer en fait une image. Le problème, c'est que les images vont différer d'un ordinateur à l'autre, donc c'est comme ça. En fait, c'est avec ces petites différences-là, ces ordinateurs s'est branché à plusieurs sites web. Donc, finalement, cette image-là, c'est justement l'empreinte, on pourrait dire, digitale de votre ordinateur. C'est ça. Donc, selon le système d'exploitation, par exemple, la carte graphique, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, le navigateur lui-même qui interprète l'HTML5. Ça peut être des facteurs qui vont influencer là, vraiment au niveau, là, au pixel près, des petites différences de ton ou de couleur. Donc, et c'est ça qui va être pris, ces différences-là qui vont être étudiées, puis retourner à l'organisme qui gère, en fait, qui essaie de vous tracer, carrément. Donc, quand vous changez de site web, ben, il vous demande de générer la même image. Donc, vous avez le même résultat. Okay. Et c'est comme ça. En fait, lorsque vous envoyez ce même résultat au traceur, ben, il se rend compte que c'est la même machine. Bon, ça, c'est dans la théorie, puisque en pratique, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça. On peut pas vraiment dire à la machine près, OK, ouais, cette machine-là va avoir tel comportement et cette autre va avoir un autre comportement. De toute façon, il y a des ordinateurs qui sont strictement les mêmes ou très similaires qui vont obtenir le même résultat. Donc, c'est pas parfait du tout, là. Malgré le côté alarmiste de tous les articles qu'on a vus récemment sur le sujet. Donc, les études qui ont été faites pour le moment, on parle de quelques empreintes, si vous voulez, donc quelques différences notables. On est capable de faire la différence entre à peu près une soixantaine de comportements différents. Okay. Donc, à l'échelle d'Internet, c'est pas grand-chose de dire on est un de ces 60-là. Ça fait beaucoup d'ordinateurs qui ont le même comportement. Mais le fait que ce soit appliqué en plus de toutes les autres stratégies qui existent déjà, qu'ils utilisent déjà carrément, c'est certain que, je veux dire, c'est juste un avantage supplémentaire, c'est un outil de plus pour eux. Donc, une certaine entreprise qui s'appelle AdDis, donc qui fournit un outil pour faire... un outil en fait pour les développeurs web pour afficher des beaux petits boutons partagés sur votre réseau social favori. Donc ces boutons là ne sont pas hébergés directement sur le site web, ils sont tout simplement il y a une référence, si on veut, vers ces boutons là donc à partir du site web, par exemple de la Maison Blanche, redirige donc pour le téléchargement de ces boutons là vers carrément AdDis. Carrément, c'est eux. Que là on n'est pas, on passe pas de, c'est ça, par le site web où on est, ou directement, disons, au site de partage de réseaux sociaux, on va passer avant tout, notre information va circuler par la gang de AdDis avant. C'est ça, c'est à l'affichage des boutons. et c'est directement entre l'utilisateur et Addis. Il n'y a pas, par ouais. exemple, la Maison-Blanche, je reprends l'exemple parce que ça a été repris par tous ces articles-là. Donc, la Maison-Blanche, en fait, ne voyait jamais cette information-là. Ils ne font pas de traçage eux-mêmes. C'est vraiment parce qu'ils utilisent un bouton. Addis s'est mis à faire, depuis le début de l'année, cette étude-là. En fait, d'ailleurs, Rich Harris, qui est directeur général, il a dit que c'était toujours en phase de test, que c'était pas vraiment utilisé pour tracer pour le moment. Mais il n'a pas dit que ça ne le serait pas dans le futur. Donc c'est juste parce que il n'était pas tout à fait prêt. J'imagine qu'il y a un peu de correction à faire, mais tôt ou tard, ce sera le cas. C'est pas illégal. C'est juste une méthode de plus pour les traceurs, les organismes comme Addis, qui revendent ça derrière à des publicitaires qui, eux, veulent avoir le plus d'impact possible sur les publicités qui sont affichées sur les sites web, quand on se promène sur Internet. Mais en même temps, je comprends pas que les gens soient si étonnés de voir ça passer, parce qu'on sait qu'il y a du profilage au niveau de Facebook et d'autres sites Internet qui vérifient nos antécédents, qui, avec justement nos historiques de navigation, peuvent nous proposer justement de la publicité sur mesure pour nos habitudes. Donc, je trouve ça un peu bizarre que les gens... certains paniquent ou, tu sais, ont l'air de découvrir ça là, comme si c'était une nouveauté. Exactement, c'est rien de nouveau, c'est juste une méthode de plus. Puis justement, des sociétés comme Facebook ou Google ont beaucoup plus d'outils, donc de par le contenu que nous-mêmes on leur donne. Ah oui. Donc pour nous profiler, pour nous donner les publicités les plus ciblées possibles. Donc c'est vraiment pas une surprise. Ça a été monté un peu vraiment artificiellement là, en panique, alors que dans les faits, c'est juste un outil de plus. Comme je disais, c'est ça, l'article original de ProPublica, il est très il est neutre, ils expliquent ce que c'est, puis ils disent que oui, bon, c'est une brèche de plus dans notre l'anonymité d'Internet, si vous voulez, mais c'est pas non plus c'est pas la fin du monde. Si vous considérez que ça c'est la fin du monde, mais ça fait longtemps que la fin du monde est arrivée. Là. C'est ce que je veux dire. Effectivement. De toute façon, il faut toujours faire confiance aux médias de masse pour rapporter l'information de façon biaisée avec un beau filtre de panique et de désinformation. C'est ça. Ben, c'est surtout de l'incompréhension, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, malheureusement, il y a eu énormément d'incompréhension de la part des journalistes. Donc, impossible pour eux de relayer l'information de la meilleure des manières, de manière efficace. Donc, ça a donné une espèce de panique qui n'a pas lieu d'être. Donc, c'est quand même mieux de remettre les pendules à l'heure et de dire que c'est pas si pire que ça. Sachant que, bon, après, ce sera sûrement utilisé par d'autres. Là, Addis est un peu sur la sellette, mais tout le monde, tôt ou tard, va se mettre à faire ça, à moins que ça devienne illégal, mais je vois pas pourquoi ça le serait. Puis surtout considérant, je veux dire, juste qu'on va sur un site web, de toute façon, on envoie dans la requête, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, on envoie dans la requête HTTP un paquet d'informations, le type de browser qu'on a, de navigateur, la version, tous les plugins qu'il peut y avoir. Déjà ça aide énormément au traçage. Ben oui. Il y a bien sûr le cookie là, qui sert en fait qui est sauvegardé sur votre machine et qui est redonné, par exemple, à Addis ou à DoubleClick, par exemple, DoubleClick qui appartient à Google, donc qui est la branche publicitaire de Google. Redonner ce cookie en disant « voilà, je suis telle machine », donc c'est beaucoup plus efficace que le cookie, en tout cas aujourd'hui. On verra si l'évolution du canvas fingerprinting rend de plus en plus efficace le traçage, mais pour l'instant, c'est un outil parmi tant d'autres. Là. Ben, c'est justement, Pierre-Luc, si les gens ne veulent pas être désinformés et veulent avoir la bonne information, c'est pour ça qu'on leur conseille de se présenter au sécurité101.com. Comme ça, ils vont avoir tout ce qu'il faut, les bons articles, et en plus, la voix de la sagesse elle-même incarnée en ta personne, mon cher Pierre-Luc. Exactement. Puis s'ils n'ont pas les réponses à leurs questions, il y a toujours moyen de me poser la question directement sur le site web. J'ai une section, en fait, où c'est possible de me contacter directement. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont juste m'envoyer un mail via le formulaire et je vais tout faire pour répondre à leurs questions. Excellent. Écoute, Pierre-Luc, ça va tellement vite. Ta chronique est déjà terminée. Donc, on rappelle bien évidemment aux gens, sécurité101.com ou passer via Facebook aussi sous le même nom et via Puissance Maximale aussi pour avoir les informations qu'il faut pour M. Pierre-Luc Pelletier. Merci encore pour ta chronique, Pierre-Luc, et on se voit le mois prochain. Merci, ça fait plaisir. My name's Duke Nukem. This is KTIT. K-Tit. Playing the breast are the best tunes in town. Ooh, your ass is grass. And I've got the weed whacker. Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu Pierre-Luc Pelletier et sa chronique Sécurité Informatique. Tout de suite après, vous avez entendu Duke Nukem Meets Metal de Eric Calderon. Donc, c'est ça dont on parlait au début de l'émission, moi, Pienro. Donc, non, elle est bonne, hein? Belle reprise. Puis il y a des quotes. Ouais, c'est ça. Il y a des citations de Monsieur Duke lui-même. Moi, je parle en anglais. Oui, je sais. I'm fully bilingual. Ah oui, tout plein. Donc voilà, mesdames et messieurs. Puis là, en début d'émission, j'ai oublié de plugger ce que j'allais faire, moi, dans l'émission. Parce que cette émission-ci, je ferai plus qu'animer. En fait, je vais faire des critiques de jeux. Monsieur Castigan. Non, t'avais levé la main, je pensais que tu voulais dire d'accord. Non, c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui est passé dans le studio. Ah, levé d'accord, la main. D'accord. T'sais, tu sais, on est dans un studio de radio, il y a des gens qui peuvent passer. Diantre, qui l'eût cru. Mais voilà, je vais faire des critiques de jeux 2, en fait, aujourd'hui. Je vais faire la critique des jeux Divinity Original Sin et aussi le jeu Valiant Hearts The Great War. Mais je vais débuter tout ça avec Divinity Original Sin. Et non, ce n'est pas le jeu Divinity que certaines personnes connaissent. C'est un autre jeu, un jeu, donc le nom complet c'est Divinity Original Sin. En fait, c'est le prequel de Divine Divinity et c'était un jeu qui a été financé via Kickstarter et on va l'appeler Original Sin, ça va être moins compliqué. Ce jeu-là, c'est un RPG, mais mesdames et messieurs, une tellement belle découverte. J'ai été flabbergasté quand j'avais vu ça. Il y a à peu près un mois et quelques, c'est mon ami Frédéric Marquis qui m'avait parlé de ça, étant notre maître de jeu quand on joue à Donjons Dragon. Mon personnage est toujours pas fait d'ailleurs. Ouais, on a une game demain, faut que je me mette là-dessus moi aussi. Et là, il m'envoie ça parce qu'à l'occasion, on joue sur Internet ensemble, puis il me dit « Mike, watch bien, ça, c'est du RPG comme on l'aime. » Je fais « OK, c'est beau. » Tu sais, nous autres, j'aime bien Dragon Age puis tu sais, les bons RPG qui sont sortis dans les dernières années. Et là, je fais « OK. » Je commence à checker les vidéos. Je fais « Oh, ça a vraiment l'air intéressant. » Intéressant, vous dites? Je me suis lancé là-dedans en fin de semaine passée et je me suis surpris. C'est la première fois depuis longtemps, une journée complète de 11h en avant-midi jusqu'à 3h du matin, non-stop. J'ai mangé, évidemment, mais je n'ai fait que ça de ma journée. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup accroché sur ce jeu-là. Donc, c'est pas ce jeu-là. Je l'ai testé rapide, vraiment pour l'émission, vraiment pour les mécaniques de jeu. J'ai pas regardé trop l'histoire encore. Mais en gros, il y a un mal dans le monde qui s'appelle The Source. Et de là, ça corrompt les trucs, puis ça fait plein de marde dans le monde. Donc, en gros, c'est résumé comme ça. Mais il y a des Source Hunters qui viennent délivrer. Qui viennent pour détruire justement ce mal-là. Et on joue deux personnages, en fait, qui, évidemment, c'est ça, les Source Hunters, qui viennent péter la gueule à ce mal-là. Donc, en gros, c'est résumé comme ça. Mais, écoutez, j'ai été agréablement surpris parce que c'est un jeu, un turn-based RPG. Donc, c'est un RPG tour par tour, comme... Ah, j'ai de la misère avec ça, moi. Ah, j'adore ça, moi. Tu sais, comme les Neverwinter Nights, les Baldur's Gate. Non, c'est correct. Excuse-moi, j'ai confondu avec les tactiques. Si j'ai rien dit, excuse-moi. Non, donc, on a des action... En fait, comment ça fonctionne pour le combat, c'est que notre personnage a des habiletés. On a une barre, une quick action bar en bas, où on met nos habiletés qu'on a, soit des habiletés physiques pour les guerriers, les mages. En fait, il y a quand même beaucoup de classes. Je sais pas toutes les classes sous la main, mais vous avez un fighter, un knight, le fighter donc combattant, knight c'est un chevalier qui se bat avec arme à deux mains, mais les classes sont toutes modifiables selon vos préférences. Vous pouvez toutes personnaliser la classe quand vous commencez votre partie. Le chevalier donc qui est un guerrier mais aussi qui est là pour comme guérir ses alliés, un peu un paladin en fait. Guérir ses alliés puis les booster en les motivant, en faisant des cris de ralliement, des trucs du genre, un leader finalement. Vous avez différentes déclinaisons de mages, vous avez comme c'est ça le mage, le mage de bataille, vous avez un mélange de ranger et de mage aussi, ranger, rogue, bref, vous avez quand même, je pense qu'il y a à peu près une douzaine de classes. Puis en plus, ils sont toutes personnifiables, donc à ce moment-là, s'il y a des trucs que vous voulez rajouter à votre personnage, ça je trouve ça moins utile, vous pouvez le faire au début de la partie. Commencez pour orienter votre personnage comme vous le voulez. Donc ça, des classes qui sont pas prises dans un carcan fermé, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'est très, très, très bien pensé. Donc, on arrive là, en combat, comment ça fonctionne, vous êtes en situation, sachez que l'environnement, le climat et tout ce qui est autour peut être un facteur pendant les combats. Ça, c'est malade, c'est vraiment malade. Donc, vous arrivez, il pleut, votre personnage va devenir trempé. À ce moment-là, toutes les magies, disons, tous les sorts de la sphère de glace vont être plus efficaces contre l'ennemi et aussi contre vous, parce que vous êtes humide. Donc, si l'ennemi en fait... Donc, il faut tout prendre ça en considération. C'est vraiment, moi c'est vraiment au niveau de l'environnement, j'ai vraiment capoté parce que dès que vous arrivez, je suis arrivé à un endroit, maintenant je m'en viens tranquille, il y a des barils d'huile, donc évidemment quand on parle d'huile, notre personnage peut être ralenti, mais en plus s'il y a le feu, tout explose, donc ça continue à brûler, notre personnage peut continuer à brûler, donc des dégâts à tous les tours, mais en plus, il y avait des barils de poison. Et le poison, quand on envoie du feu dessus, ça explose. Il y avait ça partout, dans un c'était un corridor où je descendais, puis moi, ben, quand je vois ça, je prends pas de chance, parce que si on arrive sur des ennemis, puis les ennemis font une gaffe, ou moi, je fais une gaffe, là, tout pète, puis tout le monde meurt, y compris moi, parce que je l'ai défait avant d'arriver, mais ça a vraiment fait une réaction en chaîne que la moitié de la map où j'étais a pogné en feu, puis j'ai tué plein d'ennemis sans le savoir. Je l'ai su, t'sais, là, j'ai vu l'XP monter, je fais... Oh mon dieu, c'est bien cool. C'est que c'est vraiment. Des fois, ça peut jouer contre nous aussi. Il y a des trappes. Ça, faut être. Ça, c'est une obligation. Parce que vous avez deux personnages que vous avez avec vous, que vous pouvez activer l'intelligence artificielle ou non. Vous pouvez le jouer ou non. Moi, je vous conseille de jouer les deux personnages. Et vous pouvez aussi vous engager des hommes de main avec vous pour pallier à certains trucs que vous n'avez pas. Donc. Si votre personnage n'a pas de perception et n'a pas de capacité de défaire les trappes ou d'ouvrir les portes, vous êtes. Dans le caca. Donc, ça vous prend un rogue. Si vous n'en avez pas un dans votre gang, allez vous chercher, vous en engagez un. Donc, c'est ça. Vous êtes sur le combat, c'est des action points. Donc, tout dépendant où est-ce que vous êtes, les habiletés vous coûtent un certain nombre de points d'action dans votre tour. Et vous pouvez soit tous les dépenser en vous déplaçant, ça prend des action points. Donc, ou vous pouvez aussi faire quelques trucs et garder vos action points pour le prochain tour. Pour en accumuler comme ça pour faire des plus d'actions au tour prochain. Donc, c'est tactique, effectivement, mais c'est, ça vous donne le temps, justement, de faire des combats qui ont de l'allure. Ça fait très RPG, très jeu de rôle sur papier, en fait. On a l'impression qu'on est en train de jouer à Donjons Dragons quand on joue à ça. Et gros, ça, j'ai hâte de le tester. J'ai pas eu la chance de le faire. J'ai hâte de tester le multiplayer. Donc, le multiplayer, vous avez votre personnage. Donc, évidemment, comme... toujours en ligne, on va se partir une séance de Skype ou autre logiciel de communication. On va se jaser pendant qu'on joue, mais à l'intérieur du jeu, tout dépendant de ce que disons qu'il y a un de la gang qui va parler à un NPC, puis on trouve, notre personnage peut trouver que ce que l'autre a dit n'a pas d'allure. C'est qu'il y a des dialogues internes au jeu qui font qu'ils vont changer les façons de penser de notre personnage et aussi les relations qu'il a avec les autres personnages. C'est vraiment très, très, très bien pensé. On peut pas faire une connerie là-dedans sans avoir de conséquences. On peut pas tuer impunément tout le monde sans qu'il y ait justement des conséquences à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à deux fois ce qu'on fait, autant au niveau des combos qu'au niveau de l'histoire. L'histoire est assez complète, il y a pas mal de quests. Un des gros problèmes du jeu, par exemple, là, parce que je suis dithyrambique dans mes commentaires, mais en fait, un des problèmes du jeu, c'est qu'au niveau des quêtes, c'est très difficile de suivre tout ça. C'est pas comme vous allez dans le menu quête, vous pèsez sur cette quête et là, il vous dit où aller. Non, pas du tout. Arrangez-vous. Puis la map est quand même assez grosse, ce qui fait que c'est quand même un peu chiant, tout ça. Vous allez avoir des spots qui vont apparaître sur la carte que vous pouvez aller voir en mettant des marqueurs maison sur votre carte pour vous retrouver. Mais il n'y a rien d'automatisé. Certains diront c'est cool, ça nous fait travailler un peu plus. Oui, mais c'est chiant. Moi, ça me fait chier quand je suis obligé de... Tu sais, quand je suis pas en train de jouer, je fais juste chercher le stock. C'est un peu la même chose, c'est ça, au niveau de la ville principale où est-ce que je suis présentement. Disons que je vais acheter du stock, je vais acheter des manuels pour augmenter, disons, avoir des nouvelles habiletés pour mes bonhommes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous montez de level, vous montez vos habiletés, vous avez vos skills, et aussi vous avez ce qu'on peut comparer à des feats dans Donjons Dragons, donc des trucs qui vont booster de façon permanente des skills ou directement vos habiletés, ou pour certaines situations seulement. Donc en tout ça, ça vous donne accès à des sorts ou des habiletés plus fortes, mais ça, on les apprend en achetant des tomes. Mais là, il n'y a pas de, disons, comment je présente ça, il n'y a rien de... On peut à peu près bargainer avec tout le monde dans le jeu, tout les NPC, c'est possible de marchander avec eux, mais il faut vraiment trouver après un bon moment qui est-ce qui serait plus susceptible de nous vendre des trucs de guerrier, des trucs de mage, des trucs de ranger, des trucs du genre. Donc, il faut vraiment chercher, c'est moins bien indiqué. Donc, c'est au niveau de la clarté sur la map, où est-ce qu'on doit aller, c'est le gros point faible de ce jeu-là. Donc, ça me tanne un peu, mais ça enlève rien au reste du jeu. Donc, c'est sûr que c'est pas des graphiques. L'environnement est cool, mais c'est très... c'est pas cartoon, loin de là, mais tu sais... Ça fait un peu vieux RPG. C'est pas le dernier cri, mais en même temps, c'est ça, le studio qui l'a fait, ce jeu-là, le studio Larian Studios, c'est... Ils se sont pas lancés, justement, dans le... Comment je peux dire ça? Dans le très beau RPG, mais c'est pas grave. On s'en fout, en fait. Quand on est en train de jouer, le système est tellement intéressant et le jeu est tellement bon que le graphisme, ça passe. De toute façon, on a des gens qui jouent encore à Diablo 2. Aussi. Non, yeah. C'est ça. Mais ça... Ou Diablo 3. Ouais. Non, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Non, arrête de mentionner des choses qui n'existent pas, Andrew. Non, mais non! Il est laid de même, qu'est-ce que tu veux. Mais au niveau du jeu, c'est pas laid du tout, en fait. C'est juste que, attendez-vous pas à avoir, avoir un Witcher 3 là, au niveau des graphiques. Surtout que c'est une vue, c'est troisième personne, mais vue de haut. C'est possible de zoomer beaucoup, mais c'est quand même vue de haut. Truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que durant la grande majorité, je veux dire 90% des objets sont déplaçables et on peut jouer avec. Il y a des types de trappes que c'est juste des trucs de ventilation qui font sortir des gaz empoisonnés, des nuages genre électrostatiques. Fait qu'il met une caisse dessus. C'est en plein ça. Notre bonhomme doit être assez fort pour la déplacer. Ou même si il y a une habilité aussi qui s'appelle télékinésie qu'on peut avoir. Puis notre personnage peut aller chercher des items qui sont trop loin pour lui, qu'il ne peut pas atteindre. Ou justement envoyer des trucs plus loin sans avoir la possibilité de pogner une trappe. Donc, c'est vraiment... Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça nous permet justement de jouer pas trop bourrin. Puis justement, pour jouer avec tout l'environnement, moi, ça m'a fait capoter. Les trappes, je pense que c'est l'affaire la plus meurtrière du jeu. Ça n'a pas d'allure. C'est parce que pogne une trappe, disons, explosive. On arrive à un endroit où... Je parlais tantôt des barils. Tu checkes pas trop, tu te promènes. Puis là, ton bonhomme t'avance trop vite. Comme la pire affaire à faire dans ce jeu-là, c'est de dire à ton bonhomme, va-t'en là-bas, puis pas regarder où est-ce qu'il va. Dans un donjon ou un endroit que tu n'as pas encore exploré. Parce que là, il marche. Puis même, tu vas entendre ton bonhomme dire, « Hey, il y a une trappe! » Boum! Parce que tu n'as pas pris le temps, ton bonhomme fait juste continuer. Ça fait que tu es mieux d'y aller avec lui, en tenant le bouton puis en me déplaçant. Les contrôles, c'est très facile. Je veux dire, on se déplace avec la souris. Puis quand c'est le temps d'attaquer, on va choisir. On peut le faire avec la souris, avec le quick bar, ou il y a des touches rapides avec les chiffres en haut du clavier pour choisir nos habiletés. Mais de toute façon, vu que c'est tour par tour, on n'est pas pressé de faire « Il faut que je l'attaque tout de suite, sinon... » Non, non. Au moins, quand on a notre tour, on a le temps d'analyser la situation parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Avec tout ce qui peut rentrer en considération pendant un combat, c'est pas mal mieux de prendre le temps justement d'étudier le terrain puis la situation. Je me suis pogné, j'arrive dans un coin où il y a vraiment du feu partout. C'est comme une forêt qui est constamment en train de brûler. Mon mage a un sort de pluie. Ça fait que je peux me promener sans me brûler. Mais j'arrive contre les bébites qui sont là-dedans. J'ai un net avantage parce que ça, c'est des ennemis tout en feu. Ça fait que là, ils sont affaiblis par ça. Avec les trucs de glace, ça s'est super bien passé. On n'a pas le choix de penser à tout ça parce que si on pense pas à cette tactique-là, on se fait péter la gueule. Puis c'est pas trop long. Puis en plus, quand je dis que l'environnement est pris en considération, s'il y a un nuage qui se forme, disons qu'il y a du feu partout, puis là vous mettez de la pluie, il y a de l'évaporation, donc un nuage, un brouillard qui se forme autour des ennemis, vous pouvez plus l'attaquer à distance. Tout est pensé. C'est la première fois que je vois un RPG aussi bien pensé que ça. Tu sais, on joue à... Andrew, on joue à Donjon Dragon avec Marquis, puis quand on parle à Marquis, l'environnement dans les combats, c'est ultra important. T'sais, on joue avec une map tactique, justement, que autant pour lui que pour nous, qu'on puisse utiliser le maximum du terrain à notre avantage. Je vais me rappeler d'un Gunslinger sur une roche. C'est ça, tu sais. Avoir du cover pour se rendre une place pour attraper quelque chose, on a tout. Non, ben, c'est juste pour ce qui look tout plein. Non, c'est ça. Mais dans Original Sin, c'est là aussi, moi je trouve ça hautement important. On est rendu là, je pense, à notre époque, avec des jeux comme ça, d'avoir des combats qui vont aussi loin que ça, qui nous laissent la chance de profiter du terrain ou d'en subir les conséquences, ça arrive aussi. Donc ça, c'est la grande force de ce jeu-là, parce qu'au niveau des compétences, il y en a énormément. Ça vous laisse, vous avez beaucoup de choix au niveau de ce que vous pouvez faire, puis comme je vous ai dit tantôt, personnifiable à fond. Si vous n'aimez pas le type d'arme qu'utilise votre personnage, ben au début de la partie, ben vous pouvez décider, non, lui, il va se battre à l'arme de main, à l'arc ou whatever. Vous pouvez le faire. Donc, ça vous amène en plus, puis là, vous allez apprendre toutes ces habiletés-là au courant du jeu. Ça vous amène vraiment à un jeu qui va changer d'une fois à l'autre. Je suis pas rendu très loin. J'ai joué quand même une bonne vingtaine d'heures depuis la semaine passée. Mais je suis pas rendu si loin que ça. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va dans l'histoire, parce que pour le moment, c'est très intéressant. Les combats sont très cool. Les personnages aussi, les ennemis. On a des trucs d'enquête. Je suis en train d'enquêter sur le meurtre d'un conseiller de la ville présentement. Quand je suis arrivé dans la ville, on va questionner plein de monde. Faut faire attention. Puis le système, disons qu'on s'ostine, disons qu'Andrew vient, on joue ensemble. Puis ça marche aussi avec les deux personnages. Évidemment, en multiplayer, vous pouvez avoir plusieurs personnages, plus que deux. Mais au départ, vous êtes deux en single. Puis là, disons que je m'ostine avec Andrew. On peut s'ostiner pour vrai, par Skype, mais il y a un système d'ostinage dans le jeu qui fait que plus vous êtes, vous êtes intelligent, ou plus vous avez de charisme, tout dépendant de la façon que vous voulez vous ostiner, vous pouvez choisir par intimidation, par charme ou par raisonnement. Ben, il y a un système qui est un système de roche-papier-ciseaux. C'est-à-dire que vous avez l'image des deux personnages, et plus vous êtes bon dans la façon dont vous ostinez, plus ça monte à chaque victoire de roche-papier-ciseaux que vous avez. Et quand vous arrivez à la fin, je gagne l'argument, donc c'est ça qui va se passer. Même si c'est pas ça qui arriverait, là. Ouais, mettons. Parce que j'ai toujours des bons arguments. Ah oui, tellement. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que j'ai trouvé ça intelligent aussi de pas juste laisser ça sur le fait de, tu peux le jouer avec tes deux personnages NPC, avec ton deuxième personnage quand tu joues tout seul, mais quand tu joues à deux, tu peux aussi utiliser ce système-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Je voulais savoir, y a-tu un lien entre le titre du jeu puis la quête principale dans le jeu? Y a-tu un original sin à résoudre ou... Ben, à date, je suis pas rendu... Comme j'ai dit dans l'histoire, on a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire sans avancer dans l'histoire rapidement. Mais moi, j'ai beaucoup exploré la ville, qu'est-ce qui se passe dans la ville, les petites histoires locales. J'ai appris un peu plus, je crois, sur l'histoire principale. Ça s'en vient. Il y a de quoi par rapport à ça. Je pourrais pas te répondre à 100% parce que je suis pas rendu là. Mais il y a de quoi par rapport justement à ce qui est divin et ce péché originel. J'ai hâte de voir c'est quoi. Mais il y a un lien. J'ai hâte de voir ce que c'est. Mais en gros, mesdames et messieurs, c'est un achat. Je le recommande. Malgré le fait qu'il est quand même assez cher, hein? Il est quand même 40$. Mais si vous êtes un amateur de jeux de rôle... Indépendant, c'est un achat. Ne vous cassez pas la tête. Amateur de bons vieux jeux à la Baldur's Gate, à la Neverwinter Night, c'est un achat. Puis en plus, avec la possibilité de faire le multiplayer, j'ai vraiment hâte de le tester. Ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en multiplayer. Parce que tout seul, c'est vraiment bon. Mais en multiplayer, ça doit être juste malade mental. Est-ce que tu as fini ta critique? Ouais, combien tu donnes de péché originel? C'est ça que j'ai. Moi, je mets un 9 sur 10. Parce que, ouais, un 9, facilement. Je suis même tenté de dire 9,5, mais je n'irai pas jusque-là. Et est-ce que je peux faire une parenthèse, un autre sujet? Ben, rapidement? Vas-y donc, M. Castegan. Je voulais juste le dire parce qu'il reste 12 jours, mais le Humble Bundle qui est en cours actuellement, c'est le Humble Jumbo Bundle 2. OK. Et juste pour vous dire, le 1, il y avait une chier écart de jeu. D'où pourquoi il s'appelle Jumbo. Et là, actuellement, juste pour vous donner une idée, vous avez le The Incredible Adventure of Van Helsing, le Complete Pack, c'est-à-dire donc tous les épisodes de ce jeu-là, qui est un genre de Diablo avec des milliers d'ennemis à l'écran. Deadlight, un jeu que toi, t'as acheté pendant le Summer Sale. Oui. Galaxy Civilization 2 Ultimate Edition, donc dans le fond, la totale, qui est un genre de civilisation de l'espace. Terraria. The King of Fighters 13 Steam Edition, Crusader King 2, puis Age of Empires Legacy Bundle. Et ce Age of Empires Legacy Bundle-là, ben c'est le Age of Empires 2 avec tous les DLC, le Remix Edition pour le Steam, plus Age of Empires 3 avec tous les DLC. Et il y a plus de jeux qui vont s'en venir. Et si vous l'achetez immédiatement, ça prend 15$ minimum pour avoir tout ça. Et tous les autres jeux qui vont être ajoutés, même s'ils demandent plus haut, Vous les avez automatiquement. Ça vaut la peine. En mode bundle, il faut toujours surveiller ça. Toujours, toujours, toujours. Ça nous amène à avoir des... c'est comme un peu le Steam Sale, là, mais des fois même en moins... En fait, c'est souvent moins cher. On paye vraiment pas cher pour vraiment une énorme... C'est moins cher par simple principe que vous pouvez décider comme « Ah, mon 15$, je l'envoie totalement à la charité ». Ouais, c'est ça. Mais bref, ouais, non, ça vaut vraiment la peine. Donc, allez voir ça, Humble Bundle. Vous allez tomber dessus, le Humble Jumbo Bundle 2. Voilà. Bref, j'ai eu un flash, puis je voulais être sûr de ne pas l'oublier. Excellent. Donc, pour ma part, je vais vous parler juste avant ça de Divinity Original Sin. Allez-vous chercher ça, c'est disponible sur Steam. C'est 40$, comme j'ai dit, vous pouvez acheter la Collector Edition à 70$. Ce que ça vous donne, en fait, ça vous donne deux copies, plus les... j'avoue que pour 70$... vous sauvez 5$ par jeu. Donc, ça vous donne deux copies. Un DLC pack, le Source Hunter DLC pack. Et vous avez également Beyond Divinity and Divine... Ah, c'est ça, les deux jeux qui venaient avant. Donc, voilà. C'est tout simple. Si vous allez vous chercher ça sur Steam, il y avait quand même... Je me demande juste comme ça. Parce que c'est moi j'adore les RPG. Mais je me demande quelles notes ils avaient. Ah, quand même! Si vous allez sur Metacritic, 87 sur 100. 86, c'est très haut, ça. Ouais, 86.33 sur GameRanking. Eurogamer, 9 sur 10. GameSpot, 9 sur 10. IGN, 9 sur 10. PC Gamer US, 87%. Et Hardcore Gamer, 4.5 sur 5. Fait que je suis pas dans le champ. Donc, très apprécié par la communauté, comme vous avez pu voir, et par votre humble serviteur, Michael Michaud. Donc, Divinity Original Sin, allez vous chercher ça. Monsieur Castegan. Il est temps de partir. Je pense qu'on pourrait partir tout de suite en pause parce que là, il reste 10 minutes avant la pause. Puis la pause musicale, avec, si on fait un programme double. Comment, ouais? Ça va monter à 10 minutes. C'est ça. C'est que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en pause musicale tout de suite, mesdames et messieurs, pour la mi-émission, on va dire ça comme ça. Et dès le retour, on revient avec M. Julien Materne. On va parler comic book, bien évidemment. Donc, on vous envoie dans vos oreilles. Écoutez. Un côté rétro, bien évidemment. On fait ça à l'occasion pour des thèmes d'émissions pour enfants. Et là, je vais vraiment aller dans le rétro du rétro. Même moi, j'ai jamais vu ça live, cette émission-là. Je n'ai vu que des rediffusions à l'époque et encore les dernières qui ont passé à TVA. Ça s'appelle La Légende d'Actarus et c'est tiré de la série Goldorak. Certains sont en train de retrouver cette série-là parce qu'il y a Imavision qui a sorti un boîtier. J'ai pas vu la qualité parce qu'Imavision sont pas très forts sur les reprises. Puis souvent, moi, j'avais acheté... Lady Oscar, à l'époque, le premier, il n'y a même pas la toune en français. Il y a la toune en japonais. En tout cas, bref. Donc, on va vous envoyer La Légende d'Actarus. Mike est outré. Tout plein. T'es comme un contre-puriste. Ouais. Non, en fait, il est un puriste des classiques francophones de sa jeunesse. Non, mais moi, je suis un puriste. Non, mais là, tu écoutais la chanson en français de Lady Oscar. Ben oui, elle est cool. Elle est malade. J'aime pas mal mieux la version japonaise. Non. Je vais me suicider parce que c'est cool, la mort. Non, ah, c'est comme Retour vers le futur, ça. On l'écoute pas ça en anglais, t'écoutes ça en français. Parce que moi, je l'ai écouté toute ma jeunesse en français. Retour vers le futur, oui, j'avoue. Ou Kung Pao, parce que c'est beaucoup plus drôle. Non, c'est ça. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on va vous passer La Légende d'Actarus Goldorak. Et tout de suite après, une chanson de Random Encounter. On les aime beaucoup, moi, Andrew. C'est un groupe qui fait la reprise de jeux vidéo. Et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de, disons, d'accordéons là-dedans. Ils sont très, très bons. Puis là, on vous a envoyé une petite... Puis là, Andrew va être content. C'est la Sonic Suite. Donc, comme un gros medley des chansons de Sonic. Donc, on vous envoie ça. La Légende d'Actarus de Goldorak et Sonic Suite de Random Encounter dans vos oreilles. À puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Là-haut, là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire, à travers les galaxies de notre univers. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende. que l'on va vous raconter. Facebook. Puissance maximale. Et oui, de retour à Puissance maximale, vous avez entendu la légende d'Actarus tirée du très, très vieux, on va dire ça comme ça, dessin animé Goldorak. Et vous avez entendu Sonic Sweet de Random Encounter. D'ailleurs, on a su là, par les internets. Il y a même du monde qui avait aimé ça, donc ça nous fait plaisir. Et mesdames et messieurs, on va parler de comic book avec M. Julien Materne. Puis là, en plus, il y a quelqu'un qui s'est invité, là, un indésirable. M. Marcus, des deux snooze. Hey, de la bière gratis à la station, fait que je viens en prendre une. Ah, tu fais bien, tu fais bien. Et là, en plus, on partage pas. Oh, dit Dieu. Là, vous avez... bière, là, un petit goût de justice. Le pire, c'est qu'on l'a perdu, ce commanditaire. Ah, ouais. Ah. J'allais le rechercher, c'est un nouveau. Ah, ok. Le gars, il a comme sacré son gaz, sans nous le dire. Ah, d'accord, c'est pratique ça. C'est chiant. Mais là, en plus. Ah, ça explique bien les choses. C'est pour ça que je bois à soir. Tu pleures. Tu là, vous entendez Marcus, mais vous avez l'avez entendu deux secondes avant, parce que c'est lui qui fait l'indicatif à Julien. Comic book. Ah, c'est ça. Hey, vous voyez, aucune différence. C'est exactement Batman. La même chose. Ah, ouais. Christian Bale pis toi même affaire même hein. Combat hein? Moi c'est Christian Bale Adam West. Ah ouais, j'avoue le vrai non. Batman moi je le vois en costume moulant en train de danser Marcus ouais faire la bat dance serait parfait le batouzi ouais pouf. Tout à fait je t'en ai parlé en ronde là mais t'sais faut que je le dise avant qu'on tombe dans le sujet de Julien là tu sais que si je me fais challenger dans le Ice Bucket Challenge là t'es dans c'est pour les superstars ça c'est pas pour nous autres ben, tu donnes 5$ ça, c'est correct là. Ok. Bon, c'est beau. Il y a juste moins de zéro. On j'osera t'en je pense qu'Andrew veut se faire challenger. Ah, c'est clair. Non, c'est non, ça. Non, c'est pas une question de vœux. Ça va se produire. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, sûr. Ouais. Bon. Regarde, je m'excuse Julien, là, mais si c'est pas toi, ça va être... il y a au moins trois autres personnes qui risquent de me challenger. Show, non, ouais. C'est ça, on va laisser parler tout seul. Finalement, on va skipper sa chronique. Coupe le micro, Non, c'est lui qui accroche ça. Julien, moi, tu m'as beaucoup intrigué en début d'émission parce que là, on a dit qu'on allait parler de comic book. Mais là, le premier dont tu vas nous parler, ça s'appelle Super Dinosaur. Ok, oui, monsieur. Puis j'avais dit qu'il y a un petit lien avec The Walking Dead. C'est ouais. Sur l'auteur, Robert Kirkman. Fait que quand Robert Kirkman ne dessine pas de trucs introspectifs sur les super-héros ou de Walking Dead, ben il dessine un dinosaure intelligent avec... ben il dessine pas, il écrit pour un dinosaure intelligent avec un kit robotique qui tire des missiles. Mm-hmm. Malade. Moi, je veux voir ça. Là. On a ça en studio. C'est parfait. Donc, c'est Robert Kirkman, dessiné par Jason Howard. Il y a 3 volumes pour l'instant, 4 qui s'en vient. Okay. Petite BD assez, ben, je dirais, c'est enfantin. Pour qu'on voit ce que Kirkman fait, qui est très, très adulte avec The Walking Dead. Je pense que c'est supérieur qui fait l'autre. En tout cas, non, pas supérieur, c'est... il fait une BD de super-héros assez connue dans l'indie, mais... Un peu, il y a tout qui s'arrête avec une grosse batalaxe deux mains. Ben oui. C'est malade. Écoute, Dans cette BD-là, t'as un groupe de scientifiques qui découvrent une espèce de monde parallèle où les dinosaures existent encore et sont intelligents. Donc, ils se ramassent à conflit avec les dinosaures et un autre scientifique fou. Fait que c'est scientifique fou contre scientifique fou avec leur dinosaure intelligent. C'est quoi? C'est un dinosaure avec un saut d'Iron Man, maintenant? En gros, c'est un tyrannosaure qui a un saut robotique qui tire des missiles. Okay. Puis le kid du scientifique qui a un surf, une espèce de planche de surf volante. C'est parfait. Ben là, c'est malade. un dinosaure qui tire des missiles, puis un overboard. Ouais. Quel combo. Ah, c'est parfait. Mais il faut quand même se dire, là, ça sent enfantin. C'est clairement adressé à un public préadolescent. Ça se prend pas au sérieux. Ça se prend vraiment pas au sérieux. Ça se lit très bien, même à 34 ans comme moi. Écoute, qui aime pas les dinosaures qui lancent missiles? Là, moi, j'ai acheté ce mashup à cause qu'il y avait un tyrannosaure avec des missiles sur la pochette. Et voilà. Là, t'es en train de dire que toi t'as 34 ans puis t'as acheté ça. Là. Ouais. Ah, okay. Mais moi aussi. Écoute, mais gars, j'ai vu la couverture, j'ai un tyrannosaure qui tire des missiles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Toi, quand on te dit vous, tu dois capoter. Là. Bonjour, monsieur. Toussez. C'est dans pas long, ça. Dites 33. C'est bon. En tout cas, c'est ça. Le dessin, ça paraît justement que c'est pour les plus jeunes. Mais c'est balade. Moi, je trouve ça très drôle. Ouais, le tyrannosaure est fourré. En plus de ses bras robotiques, il y a ses vrais bras, ses mini-bras de T-Rex. Ah, c'est malade. Le gars qui a dessiné ça, il savait pas quoi faire de ses cours de français. Non, il y avait 20 grammes de coke. Non, surtout que c'est en anglais, chose. Mais justement, il aime pas les cours de français. Prête-moi le don, M. Mike. Oui, je t'envoie. Donc, comme je dis, ça peut être très bien lu par n'importe qui, mais c'est sûr que le propos, attendez-vous pas à du Batman de Frank Miller. Là. On est loin de ça. On se prend pas au sérieux. On lit une BD avec des dinosaures qui tirent des missiles. De base, quand on lit ça, on sait que ce sera pas sérieux. Non, c'est ça. Excellent, c'est bon. Peut-être un peu genre l'espèce de décompresseur de Robert Kirkman, justement, après sortir de Walking Dead. Je vais peut-être écrire de quoi de niaiseux. Je pense que c'est le processus artistique derrière Super Dinosaur. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est le même moteur pour ces deux ouais. séries qui sont assez diamétralement opposées. Ouais, non, c'est ça. Ça, il avait fait une affaire avec Jésus aussi à un moment donné. Ah, Battle Pope! Ouais, ah, ça, ouais, ça aussi, il faut que je lise, Battle Pope. Oh, ah ouais? Ah, on en avait pas déjà parlé, ça? Je n'en ai parlé, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je promets que j'achète Battle Pope et que je le fais une review de Battle Pope. Ah, excellent, ah, oui, c'est clair. Mais ça, ce BD-là, c'est dans quelles circonstances tu lis ça? C'est un après-midi que tu n'as rien à faire ou c'est quel moment tu peux lire un livre comme ça? Au chiottes, ouais. Pas mal. Ouais, ben... Tout le temps. Marie-Camille, elle, pas de problème avec ça. Comme si t'étais mieux, chérie. Ben, en tout cas, moi, c'est là que je le lirai, en tout cas. Ah, puis ça se lit vite, en plus, ça, c'est... Non, c'est vite, cool. C'est court, c'est efficace, là. Alors, c'est sûr que c'est efficace. T-Rex, ouais, lance missile, T-Rex, battle axe. Toujours meilleur qu'un Reader Digest, là, tant qu'à ben moi. Là, c'est sûr et certain. Au moins, il n'y a pas de joke plate dedans, là, t'es... Non, c'est ça. Excellent, ça, Julien. Super, Super Dinosaur 1. Puis là, il y en a combien, tu disais? Il y en a 3 sorties, le 4e s'en vient, apparemment. Ah, c'est malade. Il n'y en a pas juste fait un, si t'imagines-tu? Non, c'est assez vendu pour faire plus. Là, s'il y a plein de gars comme moi qui ont fait genre, wow, man, un dinosaure puis des missiles. Ah oui, fume 2-3 joints puis tu vas te t'es bon en dessin. Ah, mais c'est le fun, justement, d'avoir des trucs champ gauche comme ça, complètement pété, juste pour le fun, tu sais. Non, c'est ça. C'est de un, sortir c'est, du. C'est un trim d'acide brainless. Tu te casses pas la tête, tu regardes ça puis. T'as du fun. Excellent. Et le prochain dont tu veux nous parler, monsieur... je vais y aller avec une pseudo-nouveauté de Marvel, Hawkeye, okay. De Fraction, Adja et Pulido. Dans le fond, c'est une BD un peu plus adulte qui suit l'Avenger un peu sous-estimé de la gang, Hawkeye, qui est le seul gars qui n'a pas de pouvoir et qui se fait souvent rappeler dans le BD qui est le seul Avenger qui n'a pas de pouvoir. qui se rappelle de lui-même. Dans le fond, ça suit un peu sa vie de tous les jours. Dans le fond, il est un peu paumé étant le seul Avenger pas de pouvoir et sans vraiment de job. C'est-à-dire que c'est le seul Avenger qui n'est pas vraiment millionnaire, scientifique ou... un dieu. Dans le fond, il faut pas oublier que Hawkeye est genre, au départ, un forain qui est devenu super-héros par la bande. Après une couple de vols de banque, il se rend compte que c'était pas cool de faire ça. Il est devenu un super-héros. OK. Fait que... Ah oui, il y en a un pouvoir. Et aussi, part-time... qu'est-ce que tu faisais? Il y a des flèches à l'infini. Ah, ouais. Ça, ouais. Mais c'est en gros, dans BD, il en manque parce que des fois, il se moque aussi de l'ancienne époque où c'est que Hawkeye avait une flèche pour toutes les circonstances. Puis t'as son espèce d'apprenti, film, la fille qui avait pris le titre un peu pendant qu'il avait disparu pendant un événement de Marvel, qui niaise avec ça. Écoute, t'as une flèche pour. Passe-moi une flèche. Quelle flèche tu veux? T'en as 54. Moi, j'en prends juste une, puis ça marche. Celle que le bout pointu. Ouais, mais passe-moi la flèche avec les filets. Là. Alors, c'est pas la flèche aimantée. Ça. Non, c'est ça, il y avait 3000 sortes de Ben, dans le film, on le voit, mais il y en c'est a... Ça. Mais la BD fait un peu un clin d'œil à ça, puis s'en moque un peu. C'est un peu plus adulte comme concept aussi, parce que, dans le fond, Hawkeye est un peu tanné de pas avoir grand-chose à faire entre deux aventures d'Avengers. S'achète un building d'appartement, puis il décide de devenir propriétaire. Problème, c'est que le building appartenait à la mafia russe. Donc, se faire chier plus. Ouais, c'est ça. De base, quand t'es propriétaire, tu te fais chier, mais là... Quand la mafia russe dans le game. Parce qu'il embarque là-dedans, ça marche plus. Donc, c'est Hawkeye qui essaie de s'en sortir par lui-même. Puis ses amis super-héros sont comme, ben là, on peut t'aider. Non, non, non, je m'en occupe. J'ai juste ça à faire de toute façon. Ah, c'est bon. Fait que c'est un peu comme si la vie ben, après les aventures d'Avengers de Hawkeye. Fait que c'est super intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant, ces trucs-là. Ça a été un gros sleeper hit de Marvel. Ça a été énormément des très bonnes critiques à gauche, à droite de ce BD-là. Ouais, les dessins sont particuliers, par exemple. Ouais. Ça fait old school. Très old school. Ça fait un peu BD noir espionnage l'année 60. C'est un peu le vibe de ça aussi, je te dirais. Puis l'espèce aussi de duo là, qu'il fait avec l'autre Hawkeye, qui est la fille qui a pris le titre, comme je disais, à un certain moment dans l'histoire, où c'est que, ben, on parle de une couple d'années, là, à post-Civil War, quand il avait disparu, entre guillemets. Là. Fait que là, t'as les deux Hawkeye qui s'ostinent. Ah, c'est bon. Mais non, je trouve ça intéressant de voir les héros, justement, dans leur vie. De tous les jours. Ben, surtout dans le genre de héros-là, parce que c'est Thor. Non, Thor, quand il rentre chez eux, il tue des dragons pareils. Là, non, c'est ça. Il pète son marteau partout, puis c'est... Parce que Hawkeye, il est juste complètement paumé, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas plus intelligent que tout le monde. C'est pas Tony Stark, c'est pas un gars de Fantastic Four. C'est juste qu'il y a du visou. Il y a juste du visou, puis ben du talent. C'est donc, ça, à part être un athlète olympique... Il n'y a pas grand chose que son arc qu'il peut faire, là. Fait qu'il est propriétaire. Ah, c'est bon. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Ah, puis là, le sous-titre, c'est My Life as a Weapon. Ouais, parce que dans le fond, c'est tout son arc. Dans le fond, le plus sous-titre, c'est que tout se trame autour de son maudit arc, puis il est genre, je suis pas juste un arc. Ah, c'est bon. autre BD, Julien, là, on va parler de cette personne qui est dans le film Les Avengers comme la... La Chicks. Ouais, la Chicks, ouais. Mais aussi comme la partner de Hawkeye dans leur background dans le film. Là, on va parler de Black Widow. Un peu dans le même ton, je dirais. Ça suit un peu, c'est Black Widow, c'est une nouvelle série qui est sortie il y a quelques mois. Okay. J'ai pas vu, c'est Ann Monson et Noto qui font ça, chez Marvel, évidemment. BD assez intéressante, un peu dans le même ton. Black Widow qui fait des contrats à gauche et à droite, dans le fond, pour mais toujours un peu par charité, pour rattraper ses erreurs du passé. Ouais. Quand elle était espionne russe, puis qu'elle a foutu un peu la merde à gauche et à droite. Fait que dans le fond, elle fait que des missions où c'est que les cibles de ça que sont des parfaits salopards, okay. Effectivement, et que ça va avantager la race humaine de les voir disparaître pour des. Pour des salaires dérisoires, presque. On a son avocat, qui est aussi son agent, entre guillemets, qui la suit un peu partout. Elle qui rentre à la maison dans son bloc appartement pseudo-miteux, qu'elle pourrait avoir mieux, mais vu qu'elle prend des salaires minables et qu'elle donne trois quarts à charité, ben, t'es un peu dans le même concept Hawkeye qu'elle est chez eux, puis ça crée un peu... Okay. Une fois que l'aventure d'Avenger ou ses missions de S.H.I.E.L.D. sont finies, ça crée un peu sa vie. Donc, t'as de voir le dessin, là, c'est particulier. Hein? T'as comme les traits, on dirait que t'as les traits du croquis avec le dessin final. Ouais, très spécial. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est un peu dans le même ton qu'Hawkeye, justement, que j'avais beaucoup apprécié quand j'en ai parlé avant. Aussi, je dirais que ça se rapproche un peu d'une aventure de James Bond dans les années 60. Avec le genre, on dirait quasiment un roman photo sur lequel on aurait dessiné. C'est ça que ça me fait penser. La vibe fait un peu penser à un James Bond de Sean Connery. Ouais. Dans la vibe empaumé, genre, voilà, vraiment en version la vie ça me tente plus puis c'est plate puis chez nous j'ai rien à faire là. Ah, mais je trouve ça intéressant. Encore une bonne BD qui suit un peu les arrières-scènes de The Avengers, dans le fond. Ah, mais c'est ça, là, Marcus, c'est ça je te dis. C'est qu'après avoir lu des trucs de même où c'est plus introspectif, un petit Super Dinosaur, ça fait du bien. Oh, et non. C'est des personnages qui... T'arrêtes de réfléchir. Ça relaxe le mental. Tu sais, des super-héros qui sont normalement, tu sais, sans peur, sans reproche, mais tu les vois déprimés dans leur appart avec le chat puis leur coffre de bière, là. C'est ça, tu fais, bah, finalement, ma vie, c'est pas si pire, puis Super Dinosaur, c'est hot. J'avoue, non, c'est un stade pour chacune des BD, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Ah, c'est cool, excellent. Faut que t'aimes ça, je regarde le prix, puis je suis comme, ouf! Ouais, ben ça, parce que ça, c'est ce que nous présente Julien, là, c'est pas les petites BD qui sortent, ouais, ça, c'est vraiment les recueils complets, là. Ça est moins cher un peu d'acheter le recueil, d'être plus patient. OK. Non, c'est ça, parce qu'au bout de la ligne... Ça coûte 3-4 piastres par semaine, pour quoi 15-20 pages, là? Faut vraiment... Moi, je fais pratiquement plus juste ça avec Batman, maintenant. Ouais. Les graphic novels ont aussi une plus grande durée de vie, donc c'est plus facile de les conserver que juste dans la petite boîte, tout empilé, les numéros, à suite de l'autre, puis en plus, t'as pas les publicités au travers. Ouais, ça c'est un gros plus d'acheter les graphic novels comme ça. Sinon, on va parler d'un autre, je pense que c'est celle-là dont tu me parlais, qui est devenue une série télé, The Strain. Qui est en train de devenir une série télé. Dans le fond, je pense que le premier épisode est déjà sorti. The Strain, à la base, c'est une série de romans, de trois romans qui ont été écrits par Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Okay. Guillermo del Toro qu'on connaît pour ses magnifiques films. Et qui ont été repris par David Lippan, Mike Idelson et Dan Jackson chez Dark Horse. OK. Excusez-moi, j'ai comme eu un blanc. Ah, c'est bon. The Strain, ce que ça raconte un peu... Ben, je dirais, comment expliquer The Strain? C'est un peu vampire made zombie. OK. Dans le fond, c'est qu'on va prendre un peu... ouais, on est dans le sérieux, là. Je suis en train de... Ouais, c'est de l'horreur, là. C'est gore, tu vois une tête éclatée, bien comme faux. C'est de l'horreur, gore... OK, fait que dans le fond, il se prépare pour Silent Hill, là. Ah non, c'est Silent Hill, c'est la petite bière. Je te dis ça. Ben, on sait pas, là. C'est un reboot qu'ils font. Ouais, non. C'est ce que ça fait, les reboots, hein. Mais dans le jeu vidéo, des fois, ça donne des bonnes choses. Check Tomb Raider, le dernier Tomb Raider. Excellent. Ah oui, j'adorais ça. Mais tu pour ça. Dire que, un peu le contexte de Strain, c'est que les vampires sont pas exactement aussi romantiques qu'on pourrait le penser. Dans le fond, un vampire, c'est une maladie causée par un être, par une infection. Une invasion de parasites qui te transforme en vampire petit à petit. Puis les vampires sont pas beaux. On va se le dire, là, c'est les vampires qui sparkle dans la lumière. Là, c'est pas comme dans Twilight. Non, non. Oh, je pense que Del Toro, il s'est tanné. Il dit, gars, on va ramener les vampires, c'est des monstres. Un peu comme un des grands films de vampires, Le Nosferatu, qui était pas très beau. Là. C'est ça. Puis là-dedans, vu que ça se propage comme une maladie par infection, ben ça vient comme un peu une infestation de zombies à un moment donné. C'est que les survivants comptent la horde de vampires qui sont plus ou moins brainless. Mais qui vont être contrôlés par Hive Mind, qui sont les vampires originaux, les cinq vampires originaux. Dans le fond, ce qui se passe dans le livre, ben, dans la BD, et le livre et la série télé que vous allez découvrir, qui a l'air, ma foi, assez quelque chose. J'ai hâte de voir ça. Hein? Ça va être, j'espère qu'il passera pas ça à 4h l'après-midi. Parce que, non, je penserais pas. Non. C'est pas comme Troublant non plus. Non, c'est... Non, non. Oubliez le côté romantique des vampires. Ils sont vraiment pas cool, les vampires, là-dedans. On dirait toi au McDo. Je ferai pas la description de l'image, mesdames et messieurs. Mais... C'est complètement gratuit comme cas. Je m'excuse. Dans le fond, comme tu dis, quand l'histoire commence, c'est qu'on est sur un avion à atterrir à JFK, à l'aéroport de New York, puis ben il se passe plus rien. OK. Fait qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Fait qu'il t'appelle les antiterroristes, le CDC, toute la gang, voir c'est une attaque biologique. Il rentre dans l'avion, tout le monde est mort. OK. What the hell? Voilà, effectivement. Fait que. Diantre, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, fil en aiguille, il trouve un cercueil dans l'affaire, hop, un cercueil vide. Ça augure mal, puis les morts commencent à se réveiller dans la morgue. Bon, infestation de vampires s'ensuit à New York, vous imaginez le bordel. Puis on suit à travers ça des scientifiques du CDC qui ont survécu au début de l'outbreak, puis un vieux chasseur de vampires qui chasse depuis la Deuxième Guerre mondiale, okay. qui va les rechercher. Puis, dans le fond, c'est un peu l'histoire de la résistance contre le vampire, le maître vampire qui a commencé cette infestation-là. De ce groupe-là contre eux, puis les autres vampires originaux qui vont comme genre, hey, ça marche pas, nous autres, on voulait rester dans l'ombre. Pourquoi t'es allé foutre la merde à New York? Ah, c'est intéressant, c'est le fun. Puis là, ce qu'on a là, c'est pas. Il y a plus de. Non, là, pour l'instant, il y a 4 volumes, okay. Puis le dernier s'en vient bientôt, mais en novel, en roman, c'est déjà terminé, c'est 3 romans. Ah, OK. Puis la série télé commence avec la première partie. Del Toro dit que ce serait environ 3 à 5 saisons. Ah, quand même? Oui, quand même assez intéressant. Ben, c'est la pression de survie toujours. Alors, de voir toujours en même temps quel genre de filler, parce que c'est 4 à 5 saisons sur 3 romans. Ouais. Je veux dire, il va y avoir des épisodes de remplissage. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais non, c'est vraiment intéressant. Le concept est le fun. Puis, c'est pas clean, puis c'est pas glamour, ben. Non, pas du tout. Là. C'est clairement une maladie, être un vampire. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, The Strain, adapté par Guillermo del Toro. Chuck Hogan aussi. Donc, à surveiller, mesdames et messieurs, qui s'en vient aussi à la télé prochainement. Et sinon, je pense que c'est une dernière BD, ouais, dont tu veux nous parler. Là, on revient dans l'univers de Batman. Oui, ben, je vais y aller. Yes. On parle de Batman là, environ un mois. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un. Je dirais. Pas un oldie, parce que ça date du début de New 52. La série roule encore. Par contre, je ne saurais conseiller le reste de la série. C'est durant les 2-3 premiers volumes qui sont intéressants. C'est Batwing. OK. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est les mois plus tard, ce qui change le personnage pour un personnage nord-américain plus tard? Dans ce qu'il y a les 3 premiers volumes de Batwing, le personnage est africain. C'est le Batman de l'Afrique. Dans le concept, on se rappelle un peu du concept de Batman Incorporated que Grant Morrison avait créé. C'est que Batman adoubait un Batman par continent, okay, pour l'aider dans sa quête de justice violente et brutale et efficace. Mm-hmm. Donc, Batman africain, lui, est un peu plus équipé que la moyenne. On dirait, c'est un peu... Je dirais équiper un peu l'Iron Man sur le fait que lui, il va pas se battre contre des voleurs de banque, mais contre des maniaques génocidaires sur le continent africain. Non, c'est ça. Donc, justement, le bout intéressant, c'est que lui, il va pourchasser des révolutionnaires, des djihadistes, puis du monde de même, dans le fond, dans des trous du fin fond de l'Afrique, pour amener la justice. C'est intéressant. Batman version Afrique, j'avoue, ouais, que ça m'intéresse beaucoup. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Batwing rejoint un peu Bruce Wayne, c'est que c'est un orphelin justement qui est un ancien enfant soldat. Puis son but dans la vie, c'est que plus personne ne devienne un enfant soldat à part comme lui l'a été. Okay. Fait qu'il connaît tout un peu l'arrière-scène de ces groupes armés-là, puis ils vont en profiter pour être pas aussi salaud qu'eux, parce que ça reste qu'il peut pas tuer, il est dans l'équipe de Batman. Non, c'est ça. Mais tout aussi méchant que son alter ego nord-américain. Ah, c'est avec fun. Un graphisme très, très intéressant. Encore une fois, c'est pas pour les plus jeunes. C'est assez violent. On parle de génocide, on parle de meurtre graphique. Un contexte assez élevé. On n'est pas dans les vols de banque, là. Fondamentalement, on est carrément dans le massacre. Ah, je trouve vraiment. Est-ce qu'il va avoir un Batwing contre un virus Ebola? Too soon! Mais là, de toute façon, le concept de Batman Incorporated, je n'étais même pas au courant. Je savais pas. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est que là, on a Batwing, c'est ça. Là, tu me dis, c'est ça, les premiers volumes, c'est un Batwing africain. Après ça, c'est le fils de Lucius Fox qui va prendre le relais. Mais encore, okay, là, ça se passe plus en Afrique, ça se passe en Amérique du Nord. La série était cancellée parce que ça a comme donné quelque chose de pseudo-vaseux. Okay. Mais les pour c'est les intéressés. Ça a été le sleeper hit, je dirais, du New 52 là, au départ, là, au lancement. C'est que les gens qui sont intéressés par ce concept-là sont mieux de se concentrer sur la première partie ouais. où ça se passe en Afrique. J'avoue que c'est bien pensé. Puis d'avoir un vigilante, un super-héros en Afrique. À part Black Panther, mais encore là, lui, Black Panther était dans l'univers Marvel et comme dans un pays fictif. Non, qui va super bien, puis tout est beau, puis que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est être le président de son pays. Là. C'est ça, ça fait que. Non, lui, c'est pas la même affaire, Batwing là. Est dans la boîte. Là. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Ah, ça va être mon. Je pense avec Super Dinosaur, ça va être mon gros coup de cœur. Non, c'est bon. Je vous l'avais dit que Super Dinosaur, tout le monde aimerait ça. Alors, écouter ça bien, tu vas lire ça bien chaud, toi, Super Dinosaur, c'est ça. Non, c'est clair que moi, je vais le narrer pendant que je lis. On va jouer tous les personnages. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Julien. On a parlé de 5 comic books. Super Dinosaur, Hawkeye, Black Widow, The Strain et finalement Batwing. Que vous pouvez, on a tous mis les noms avec les auteurs. Si vous êtes intéressé, allez chercher ça chez votre marchand de comic book préféré. Ben, c'est tout sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, vous pouvez aller vous chercher ça immédiatement. Monsieur Castegan, il est temps de s'en aller en musique. Et là, j'ai sorti quelque chose des boulamites parce que je me suis rendu dans un certain bar de Québec lundi pour participer à un pop quiz. Toujours intéressant. Donc, pop quiz, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à la Ninkasi à Québec, tous les lundis à 19h. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on forme une équipe de 2 à 4 joueurs et c'est un quiz de connaissances générales. Une ronde d'identification d'images. Donc, cette semaine, c'était des trophées de sport. Identifier le nom du trophée ou le championnat qu'il représente. Une chance qu'on avait quelqu'un, on a gagné cette ronde-là parce qu'on avait un gars vraiment féru de sport avec nous autres, parce que sinon on aurait eu zéro. Après ça, c'est 20 questions de connaissances générales at large. Et finalement, la dernière ronde, c'est une ronde d'identification musicale. L'artiste et le nom de la chanson, et il y a un lien de ces 10 chansons-là, il faut le trouver pour un point supplémentaire. C'est super intéressant. Et les équipes, chaque équipe qui gagne une ronde gagne un pichet gratuit. Et à la fin, c'est par. Il y a deux saisons, donc. Faites 3 saisons, automnale, hiver et l'été. Donc, des prix qui sont remis à chaque fin de saison également. Donc, je suis allé là lundi et il fallait identifier une chanson. Puis, il y a une toune un peu techno qui rentre. Puis là, moi puis mon chum, on fait « Prodigy, peut-être ». Finalement, c'était les Chemical Brothers. J'avais eu ce doute-là. Puis, non, on changera pas. Il faut jamais changer notre première idée. Quelle erreur. Puis là, vu que j'ai parlé de ça, j'ai comme eu envie de sortir des boulamites un peu de Prodigy des années 90. Et on va vous envoyer ça dans vos oreilles. Ça s'appelle « Breed » de Prodigy. C'est clair que vous avez déjà entendu ça. Ouais. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu Prodigy avec Breed. Et il est temps de faire mon autre critique de jeu. Cette fois-ci, je vais parler du jeu Valiant Hearts, The Great War, ou en français, Soldat Inconnu, Histoire de la Grande Guerre. Mémoire de la Grande Guerre, pardon. Donc, c'est pas très compliqué. Jeu de Ubisoft Montpellier en France. Écoutez, on est en pleine Première Guerre mondiale. C'est le 100e anniversaire de cette guerre-là. Cette année, on le commémore de plein de façons partout sur la planète. Et Ubisoft a décidé de sortir un jeu. On en a parlé avec Diego au début du mois. On a parlé du jeu Verdun. On a glissé un mot sur ce jeu-là. Verdun est un FPS, donc un jeu de tir à la première personne. Et normalement, la plupart des jeux de guerre qu'on connaît, c'est soit des jeux de tir ou des jeux de stratégie, des RTS, des trucs du genre. Et là, on est devant quelque chose qui n'est pas du tout, en fait, un jeu de guerre traditionnel. On est devant un jeu puzzle aventure. Donc, au départ, on a le droit de ne pas être vraiment... convaincu, parce que c'est pas le genre de jeu à quoi on pourrait s'attendre pour un truc de la Première Guerre, mais c'est vraiment, vraiment réussi. On se retrouve dans l'histoire de cinq personnages. Je vais juste retrouver ma page. Et on va se promener finalement d'un personnage à l'autre tout au long de l'histoire. Donc bien évidemment, on commence en France avec Émile, qui est un soldat français qui est fait prisonnier par les Allemands. Pendant un combat, on a Freddy qui est un noir américain provenant de la Louisiane qui est là pour se venger. En fait, il s'était engagé dans la Légion étrangère et qui est là finalement. Il était en France en fait à cause des Allemands finalement, sa famille est décédée. Donc, il veut un peu se venger de ça. Il y a Anna qui est belge, une infirmière. Là, je suis en train de jouer justement avec elle dans ma partie où on va justement tout au long, avec tous les personnages, on essaie de trouver justement des pièces, des items pour nous aider, pour nous amener plus loin, pour faire des opérations, disons bouger des trucs très lourds, faire marcher des mécanismes, trucs du genre. Donc tout au long avec tous les personnages, on a ça. Il y a Anna, c'est ça que je suis en train d'utiliser. Il y a Karl aussi, justement, qui est un soldat allemand, parce qu'il faut pas oublier justement que du côté allemand aussi, il y a eu des horreurs et des cas, disons, des histoires d'horreur aussi. Donc on a aussi Karl qui est un soldat allemand. Qui est en lien avec, qui est connu par Émile, le soldat français. Ils sont en fait sont de famille. Je crois que Karl est avec la fille. Ah oui, c'est ça. C'est le chum de la fille d'Émile. Donc, Émile le voyait m'amener dans une séquence, justement, parce que Karl a été appelé au front en Allemagne. Ils veulent savoir comment ça va. Donc, c'est intéressant de voir cette relation-là. Et il y a aussi un chien qui s'appelle Walt, qui est un chien, justement, de l'armée allemande, qui va commencer à suivre Émile après qu'Émile s'en aille, se sauve du camp allemand. Donc, on se retrouve devant un jeu comme ça, un jeu, certains l'ont qualifié de BD interactive, on pourrait dire ça comme ça, vu l'esthétique du jeu. On se retrouve devant de la très, très belle animation. Un gros, gros salut à la musique. D'ailleurs, je voulais dire ça tantôt pour Divinity Original Sin, un gros thumbs up pour la bande originale, pour la musique dans ce jeu-là. C'est vraiment incroyable. Même chose pour Soldat Inconnu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça nous met justement dans cette ambiance-là. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est touchant, en fait. La plupart des jeux, des annonces de jeux-là, dont la grosse annonce a été faite au E3 cette année, puis quand j'avais vu moi-même, j'ai dit « Ah, ouais, c'est bien pensé. » Puis c'est basé aussi sur des réelles lettres d'un soldat dont Diego nous en parlait lors de sa chronique au début du mois, donc d'un poilu. Donc ça, c'est un soldat français. C'est tiré des lettres, et je crois que la personne... qui appartenait les lettres, je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père du développeur du jeu. Donc, tu sais, c'est basé sur quelque chose de réel. C'est franchement intéressant, émouvant de voir évoluer ces personnages-là, parce que malgré le fait que ce soit, disons, des personnages vraiment, vraiment BD, quand on est avec Anna, puis qu'on a, parce qu'avec Anna, On a souvent des personnes, on se retrouve souvent dans des villes dévastées, puis on doit sortir des personnes de décombres et aussi s'occuper d'eux parce que c'est une infirmière. Ça nous tente pas que les personnes, on est vraiment dans le jeu, c'est vraiment immersif et ça nous tente pas que ces personnes-là meurent à cause qu'on a mal fait les opérations, parce que quand Anna guérit quelqu'un, on est en mode un peu comme les jeux de rythme à la Guitar Hero. Avec, ça se joue en fait, c'est avec le clavier, rarement avec la souris. On joue avec les lettres A, W, D et S, la barre espace, quelques autres boutons et les flèches aussi qu'on retrouve à droite. C'est pas très compliqué. Et lorsqu'on fait des manœuvres médicales avec Anna, on a une bande comme un pansement souillé qui se promène en haut de l'écran et on doit appuyer sur les flèches au bon moment. Des fois, c'est deux flèches en même temps si on veut justement qu'on guérir, qu'on puisse traiter la personne comme il faut. Donc, c'est stressant ce bout-là, bien évidemment, mais on veut pas que les personnes meurent. Donc, on est vraiment, vraiment dans le jeu, dans l'histoire. C'est vraiment un bon jeu. J'aime beaucoup. C'est évidemment, ça prend pas énormément de place, ce jeu-là. Ça prend 2 gigs sur votre machine. Donc, c'est pas très gros. C'est vraiment, ça, on a l'impression, c'est une esthétique que beaucoup de jeux indépendants ont pris. Donc, des fois, on oublie que c'est Ubisoft qui a fait ça. Mais c'est franchement un beau jeu, un jeu intéressant. Et en plus, bien évidemment, quand on parle de jeux à tendance historique, on a toute une panoplie de faits historiques qui nous sont présentés sous la forme du journal de ces personnages-là. Donc, quand on joue, on a un petit pop-up en haut de l'écran qui nous dit « Nouveauté dans le journal ». Donc, à ce moment-là, on peut voir les faits qui sont rapportés. Disons qu'on arrive dans le chapitre, dans une ville. Bon, on nous parle de ce qui s'est passé dans cette ville-là pendant la Première Guerre, les conditions des habitants, ces choses-là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller lire ça aussi. On n'est pas juste dans le jeu de puzzle. Le jeu, d'ailleurs, en tant que tel, est très intéressant. Des fois, on ne sait pas trop où aller. Mais on a il y a un système d'indices. Quand le jeu détecte que votre personnage fait pas ce qu'il faut, ça fait que, disons, à toutes les 2 minutes, il vous envoie un indice, jusqu'à 3 indices par tableau. Donc, disons que vous êtes mal pris, ben ça va vous dire quoi faire, puis vous serez pas pogné dans le jeu parce que vous allumez pas sur un truc, parce que je vous dirais que il y a beaucoup de choses que c'est assez clair absolument ce qu'on peut utiliser, mais des fois, on ne sait pas trop où se présenter avec ces systèmes-là. Donc, avec le système d'indices, on se retrouve quand même assez bien pour voir ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc, évidemment, c'est pas vraiment un jeu qui est là pour le gros challenge gameplay. C'est beaucoup, on joue à ce jeu-là pour l'histoire du jeu, mais aussi pour l'histoire avec un grand H, pour voir ce qui s'est passé, ce qu'on nous présente justement comme histoire de la Première Guerre. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y jouer à ce niveau-là aussi. On va dans des villes connues. Évidemment, c'est tout le temps en arrière-plan. Mais bref, un jeu très complet, un jeu très intéressant surtout, et quand même un peu émouvant, malgré justement que ça soit de la BD. Certaines personnes ont plus de misère à se laisser aller, disons, émotivement, quand on parle de jeux, quand on parle, disons, de dessins animés ou de trucs du genre. Mais moi, je peux vous garantir que si vous vous laissez aller dans ce jeu-là, vous serez touché et vous serez sûrement très curieux de déjà vous rendre au prochain tableau pour voir ce qui va se passer avec les personnages. Une belle façon de commémorer les événements de la Première Guerre mondiale qui est trop souvent oublié au profit de la Deuxième Guerre. Donc, la Grande Guerre, toujours intéressant d'entendre parler. Puis Ubisoft a réussi, selon moi, son pari avec ce jeu-là. Un jeu d'ambiance, d'aventure, puzzle. Donc, n'hésitez pas, c'est 15$ si vous voulez aller vous le chercher. Ça vaut la peine d'aller. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je dirais un 8.5 barbu sur 10, on va dire ça comme ça, pour le jeu Valiant Hearts The Great War, ou en français Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Donc, un jeu à tester ou à acheter si le sujet vous intéresse. Mais je vous le recommande chaudement. Monsieur Castegan, puisque cette critique est terminée, nous allons aller en dernière ou avant-dernière pause musicale. Mais là, justement, je vous parlais tantôt de musique 8 bits. Mais c'est ce qu'on va aller écouter tout de suite. Une chanson, un morceau qui s'appelle « An Heart Made of Molten Rock » de l'artiste Fear of Dark. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que ce monsieur fait, ou cette madame, en fait, je sais pas. Cet artiste, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est la première fois qu'on va passer une chanson complètement 8 bits à l'émission. Ça va être cool. Ou c'est assez rare, mais bref, vous allez voir, elle est très bonne, c'est très bien fait. Donc, Unearth, Made of Molten Rock de Fear of Dark, dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Maximal vous présente les nouvelles ludiques. Et Et oui, mesdames et messieurs, de retour à puissance maximale, vous avez entendu l'artiste Fear of Dark avec sa chanson An Earth Made of Molten Rock. Je pense la première fois qu'on fait une chanson 8 bits à l'émission, mais un très très beau morceau. Donc voilà, c'est fait. Monsieur Castegan, juste avant de passer à ta petite capsule, saviez-vous que, juste vous dire, mesdames et messieurs, que si vous aimez beaucoup ce qu'Andrew fait en début de moment pour les nouvelles ludiques, ben sachez que sur YouTube, on vous suggère en fait, moi et Andrew, la série Le Fond de l'Affaire. Donc c'est la gang de Globtopus Game qui sont en association avec jeuxvideo.com qui font cette série-là. Et c'est une série justement sur les secrets de développement et le développement en général là, des jeux. Donc si vous voulez en apprendre sur vos séries préférées, comment ils ont été développés, les petits trucs le fun à trouver, les easter eggs ou des trucs anecdotes cocasses à propos des développements des jeux, ben je vous suggère ça, je vous envoie ça directement sur la page page Facebook de Puissance Maximale. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, tu peux te lancer. Donc, saviez-vous que la Sega Saturn, oui, je parle vraiment d'une vieille... Ben, pas si vieille que ça, mais je parle de la Sega Saturn. Oh oui. N'était pas en mesure de rendre des polygones triangulaires. Ah ouais? Elle n'était capable que de rendre des polygones de quatre côtés, donc des carrés. Donc, d'où pourquoi que quand vous jouiez à des jeux multiplateformes, exemple Tomb Raider, les textures sur le Sega Saturn étaient atroces. Ah, parce que pour eux, la seule façon de faire un triangle, c'était de mettre un des côtés du carré à zéro. Fait que ça étirait les textures d'une façon toute bizarre. OK. C'est bizarre, ça, pas une console. Ils disent pourquoi? L'architecture de la console. Il a fallu attendre le Nintendo 64 et le PlayStation pour être capable d'avoir des formes autres que le carré dans la 3D. Ah ouais, les débuts de la 3D. C'était pas toujours glorieux. Oh ouais. Non! Donc, c'est pas rendre la faute à personne, sauf l'époque. Ben, on va dire la chose suivante. Sega a toujours voulu être un pas en avant dans la technologie, mais malheureusement... Ça leur a pas toujours servi. Ça les rattrapait toujours parce que tout le monde sortait la même affaire en mieux 6 mois plus tard. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Castegan. Et là, on va aller vers une... On n'en parle pas souvent des jeux de sport à l'émission. Ça arrive, mais là, on va faire plaisir à Manu. On va faire plaisir à Manu de l'émission du retour à CJMD. On va parler de NHL 15. Mais on va parler plus spécialement de EA. Tu peux-tu plus payer tes joueurs en DLC? Ben, c'est ce qu'il y a déjà que EA sont reconnus pour ça. Mais là, EA aurait décidé, en fait, que... Écoutez, parce qu'il y a un mode pour le hockey, pour NHL 15 et les autres avant, qui s'appelle... EASHL. Donc, c'est comme une ligue en ligne pour les joueurs. Vous montez votre équipe et vous pouvez jouer avec vos amis en ligne. Mais là, évidemment, là, le NHL 15 sort... La génération actuelle et la next-gen. Ben, c'est ça. La génération actuelle pourra bien évidemment profiter de cette ligue. Mais bizarrement... Pas ceux de la nouvelle génération. Mais non. Qu'est-ce qui se passe, Andrew? Ça va être disponible en DLC. J'espère que ça va être un DLC gratis. En tout cas... C'est EA. Fait qu'il faut s'attendre à tout. Hey, ça me subjugue. Je trouve ça d'un ridicule consommé. Et disons... comment je pourrais dire ça? Ben non, c'est ridicule. Il faut également réapproprier le jingle d'Antoine Daniel de What the Cut qui dit c'est normal en Russie, mais c'est normal. Ben, effectivement, on pourrait s'en faire un. Ouais. Bref, j'espère. Ben là, on se promenait tantôt pendant la chanson. On se promenait sur la page de EA Sports, puis on checkait les commentaires, puis il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'annuler leur précommande de jeu-là, justement, vu cette décision prise. Des youtubeurs aussi qui font des vidéos. C'est complètement ridicule. Revenir en arrière, premièrement, c'est enlever des trucs que le monde sont habitués à avoir dans le jeu-là. Habituellement, on essaie de racheter des choses dans nos jeux, surtout dans les jeux de sport. Il n'y a rien qui change moins que ça dans la vie, un jeu de sport. Pour le peu que tu peux amener, fait que gardez-vous donc justement vos modes à place de les faire payer à tout le monde. Mais bref, pas super comme décision, effectivement. Monsieur Castegan, j'ai une nouvelle pour toi. Siri, évidemment, comme la plupart de nos nouvelles du site jeuxvideo.com, Kona, un vrai jeu québécois sur Kickstarter. Moi, je vais lire la nouvelle parce que je suis toujours intéressé de savoir ce que les Français, parce que jeuxvideo.com, c'est un site français de France, qu'est-ce qu'ils disent du Québec. Donc, ça va comme suit. Donc, comme le fait très justement remarquer l'équipe du studio Parabole, si le Québec héberge quantité de studios et produit une part considérable des gros hits du jeu vidéo, tout à fait, On ne peut pas dire que sa culture soit particulièrement représentée dans le domaine ludique. Effectivement, on va être d'accord avec eux, à part un peu dans Assassin's Creed Black Flag, où on entend les personnages de la compagnie de jeux vidéo à l'intérieur du jeu sacré. Ce que je trouve ça, moi, je trouve ça très drôle. Moi, je suis vraiment parti à rire quand j'ai entendu ça. Mais, bon, disons qu'il y a autre chose que les sacres dans notre culture. Donc, on dit qu'une absence que Parabole espère combler, donc la compagnie, avec Kona, un jeu d'aventure et de survie inspiré par la culture locale qui adoptera même un vrai doublage québécois. Un projet financé sur Kickstarter. La nouvelle date d'aujourd'hui, en fait, c'est sorti ce matin et il reste que 17 jours. Donc, peut-être aller... je vais poster la page Kickstarter de ce jeu-là. Il nous reste seulement 16 jours, en fait, puis ils sont loin d'avoir atteint leur objectif qui est de 40 000 $, puis ils ont à peine 15 000 $ de ramassé. Donc, je vais poster ça à la fin de ma lecture de cette nouvelle-là. Se déroulant dans le nord du Québec en 1970, Kona incite le joueur à endosser le rôle du détective privé Carl Faubert, embauché pour enquêter sur des actes de vandalisme perpétrés dans la résidence luxueuse du propriétaire de la mine de cuivre du coin. À son arrivée sur place, Faubert aura la surprise de découvrir, comme nombre d'autres héros de son genre, que le petit village est totalement désert. Présenté comme un conte interactif, Kona verra son scénario évoluer au gré des actes du joueur, qui devrait donc influencer le déroulement des 4 épisodes qui le composeront. Visant à mettre en valeur la culture québécoise, le jeu de Parabole est produit en partenariat avec le groupe de rock traditionnel Curé Label, l'écrivain David Bélanger et le conteur François Desvaux. Voilà, c'est les partenaires avec ce jeu-là. Donc, on a à peine 15 000 $ de ramasser sur 40 000 demandés. Écoutez, je mets ça directement sur la page de Puissance Maximale si vous voulez avoir plus de détails. Et qui sait, si vous êtes intéressé, peut-être aller encourager le studio Parabole qui veulent faire un vrai jeu à saveur québécoise. Donc, c'est posté sur la page de Puissance Maximale. Est-ce que M. Castagan aurait une dernière nouvelle par le plus grand des hasards? J'en aurais deux rapides. Allons-y! La première, dans la lignée de Poisson Rouge qui joue à Pokémon sur Twitch. Ouais. Ben maintenant, il y a deux poissons qui s'affrontent à Super Street Fighter 2 Turbo. Ah ouais? Malade. Ouais. Donc, pour expliquer le principe aux gens, c'est qu'il y a une caméra sur un poisson. Et tout dépendant où est-ce qu'il se déplace dans une zone de l'écran, ça a rapport à une touche ou à une direction, et ben le jeu fait ce que le poisson veut. Ce que le poisson envoie comme information. Donc, deux poissons qui jouent à Street Fighter, ça doit être ma foi. Il doit pas avoir beaucoup de Hadouken et de Tiger Punch et de choses du genre qui se. Ben de là, Sonic Boom. Il y a eu un match qui s'est terminé de justesse. Là. Il y en a un autre. Ça va être Chun-Li contre Ken si les poissons finissent par appuyer sur A. Ok, parce qu'il faut qu'ils startent aussi la game. Oui. Ok, c'est de A. Oh mon Dieu, Seigneur. Non, ça coûte. Ils font le combat, puis après ça, ils retombent à l'écran de sélection de personnages. Ah, faut qu'ils choisissent leur personnage. Après ça, le tableau, puis après ça, il faut que le combat commence. Ah, l'univers vidéoludique. Parfois, tu me décourages. Voilà. Puis c'est le troisième jour là, que c'est commencé. Le pire, c'est que je pense que je vais aller voir ça en arrivant chez nous. Monsieur Castagan, dernière nouvelle. Oui, on avait parlé du Share Play qui avait été parlé lors de la Gamescom. On était tout enthousiasmés. Oh, oui. On disait, hey, on va pouvoir partager des jeux, ça va être cool. C'est ça, en fait, c'est on réexpliquer rapidement Andrew un jeu sur PS4. Il y a eu plus de détails. Je vais donner le détail précis et concis. Allons-y. Il y a des jeux que vous allez pouvoir jouer en multijoueur que vous avez juste besoin de une copie. Exemple, le prochain Far Cry 4, que vous allez pouvoir jouer en ligne tant et aussi longtemps que uniquement un des deux joueurs ou quatre a une copie. Et il y a aussi un principe que vous allez pouvoir prêter vos jeux à d'autres joueurs, même s'ils n'ont pas le jeu. Tant que vous leur prêtez, envoyez l'invitation. Seul désavantage, c'est que si vous faites ça, vous ne pouvez pas jouer avec votre console pendant ce temps-là, parce que dans le fond, c'est que l'ami à qui vous prêtez le jeu se connecte sur votre PlayStation pour jouer. Donc, c'est un remote play. Bonjour le bandwidth. Donc, ça, c'est le principe du share play. Sauf que là, le monde était tout enthousiasmé. Il disait, mais même à ça, c'est cool, tu sais. C'est le principe, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, ça, je viens de tomber sur cette vidéo. Hitler reacts to NHL 15 rumors. Donc, tout ce qu'on vient de parler sur le mode EASHL. Ben, on a déjà une vidéo, tu sais, le fameux vidéo qui vient du film La Chute. Twitter, pas que les nerfs, mais il y a déjà une vidéo qui a été postée là-dessus. On va vous mettre ça sur Puissance Maximale, bien évidemment, bon, parce que vous rigoler un peu. Pour terminer la nouvelle. Oui, excuse-moi. Ben, il y a eu plus de nouvelles que Sony ont donné, et là, sérieusement, ça te pète ma balloune. Ah ouais? Les sessions de SharePlay vont être limitées à une heure. Arc! C'est bien... Ben, oui, c'est bien ridicule. Ils ont-tu donné une raison pour ça? Non, ils n'ont pas besoin de donner une raison. C'est... Non, il n'y a aucune raison. Ils ont juste dit que les sessions de SharePlay ne pourront excéder une heure. En revanche, on pourra profiter de ces parties autant de fois qu'on le désire. Hey, une heure, mais quand on a le temps de jouer beaucoup. Hein, le temps de partir le jeu, de s'installer, de tout soit correct. Puis on se rappelle que Sony puis leur jeu en ligne, c'est vraiment pas leur fort. Ouais, je sais pas, non, c'est n'importe quoi. Mais ils disent qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, mais ils parlent pas s'il y a un temps de... de refresh entre les deux. Genre, mettons ça en ça. Perspective. Est-ce que Microsoft l'offre? Non. Non. Est-ce qu'on l'avait avant? Moi, non. Donc, sort. C'est juste du gain. Oui. Non. Pas, wow, Je fais l'avocat du diable. On va voir l'avocat du diable. Oui, effectivement, c'est un gain, je suis d'accord, mais c'est pas qu'est-ce qui a été promis. Dans le fond, c'est comme si elle donnait un son et disait « Ah, finalement, il est pas à menthe, il est aux pommes. » Non, même pas. Donc, à la menthe, c'est dégueulasse, là. Non, même pas. Je veux dire, c'est... On vend une expérience de jeu partagée, mm-hmm. Puis ce qu'on dit, c'est finalement, c'est l'équivalent de jouer un démo, là. On va pas avoir l'expérience de jeu partagé. Oh oui, je à une heure, je là, l'avocat du diable. L'avocat du diable. Tu me dis deux heures encore, c'est pas pire, mais une heure, là, c'est ridiculement trop court. Ah, mais on sait tous que ça va changer de toute façon. Il fallait sur le PSP, là, c'est pas nouveau, ça. Ouais. PSP, il l'avait, ça. On verra bien. On verra bien, mais disons que c'est assez décevant comme, disons, mise à jour de cette fonctionnalité-là. Merci beaucoup, Andrew, de nous avoir... Scrappé à soirée. Ouais, un peu scrappé tout ça. Donc, voilà. Écoutez, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier M. Pierre-Luc Pelletier, qui est avec nous en début d'émission, pour nous parler sécurité informatique. Merci beaucoup, Pierre-Luc. M. Julien Materne, merci de nous avoir parlé comic book. Et merci aussi à Marc-Camille. Oui. Et merci à Marcus qui est passé comme ça. Merci beaucoup à M. Andrew Castegan qui est à la console. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler le jeu. www.puissancemaximale.com pour retrouver le site internet, écouter nos anciennes émissions et aussi sur Facebook, taper Puissance Maximale, aimer la page, partagez-la évidemment et participez à nos concours et les gagnants du concours de la semaine dernière pour le prix Pink Vivi, c'est Mme Marie-Michel Tremblay et pour les billets de la revanche, c'est Monsieur Maxime Sainte-Marie qui a gagné. Voilà, c'est lancé. On va vous contacter pour avoir vos coordonnées et vous envoyer tout ça. Et pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens à vous souhaiter, comme à notre habitude, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify, it's D&D! Virgins, till the day we One, two, three, four, die!